Vitaliho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Emery San, de son vrai nom, Emery Nivzindavzi, a remporté la finale de la compétition musicale Isanganiro Award 11e édition. C'était hier samedi. Il promet de mieux œuvrer dans la promotion de la musique burundaise. Une personne a été tuée hier à Gitega, précisément sur la colline Nyabututsi rurale, vous l'entendrez. Et au sport, l'équipe nationale de football Inhamba Murugamba a été battue ce samedi en Indonésie 3-1. C'était dans un match amical pour se préparer à la prochaine Coupe d'Afrique. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Promouvoir la musique burundaise et produire des chansons de qualité sont certaines des priorités d'Emery Nivzindavzi alias Emery San, le gagnant de la 11e édition d'Isanganiro Award, une compétition musicale organisée par la radio-télévision Isanganiro. Le directeur de cet organe de presse se réjouit de la bonne organisation de la compétition. Silver Nakarutimana exhorte les artistes à travailler dur dans le but de promouvoir la musique burundaise. Les détails, c'est avec Jean-Marie Vianney Ngendakou. Le chanteur burundais Nivzindavzi Emery, connu sous le nom d'Emery San, se montre satisfait de remporter le trophée de la 11e édition de la compétition musicale Isanganiro Awards. Il estime que ce prix va lui pousser à travailler dur en produisant des chansons de bonne qualité. Premièrement, je suis très content parce que c'est la meilleure chose qui m'arrive. Je crois que ça faisait longtemps que je me battais pour avoir ce prix. Alors, je suis très très content. C'est la première fois que je viens de remporter. Et après 6 participations, Isanganiro Awards, c'est la première fois que je viens de gagner, alors c'est quelque chose de spécial pour moi. J'ai senti que au moins pour la première fois je viens de gagner, je viens de faire quelque chose, je viens de remporter un prix parce que j'ai travaillé dur, parce que j'ai fait de la bonne musique. Après cette trophée que vous venez de remporter, qu'est-ce que vous comptez faire pour la promotion de la musique burundaise? Je dois continuer à travailler, je dois bosser dur parce que je dois montrer que je méritais ce prix. Je dois montrer l'exemple que quand tu gagnes ce prix, que tu dois travailler et continuer à bosser pour que les fans continuent à savourer de la bonne musique. Il encourage ses confrères et artistes qui étaient à la compétition à aller de l'avant, à chacun son tas, soutien-tir. Il faut qu'ils continuent à travailler dur parce que le travail ennoblit l'homme, qu'ils continuent à bosser dur, qu'ils continuent à faire de la bonne musique, parce que arriver ici c'est parce que j'ai fait de la bonne musique. Je crois que mon message, il faut travailler dur, ne jamais baisser les bras, continuer encore, essayer encore, tout est possible grâce à Dieu. Pour sa part, le directeur de la radio-télévision Isanganiro se réjouit de la bonne organisation de cette grande compétition musicale. Il précise par ailleurs que le niveau des chansons qui étaient dans la compétition est très élevé. Avoir le temps imparti à la préparation, les moyens investis, je dois me féliciter tout le monde, toute l'équipe qui a travaillé à ce qu'on arrive à ce jour avec un tel produit. Et c'est une appréciation positive. C'est un niveau élevé. Je ne dirais pas que c'est parfait. Je ne saurais même pas le dire parce que personnellement, je ne suis pas artiste. Je ne suis même pas technicien pour le savoir. Mais pour autant que je peux apprécier des choses, moi je me dis que ça s'apprécie par rapport au message transmis à travers les chansons. Sylvain Nakarutimana exhorte les artistes burundais à produire les meilleures chansons qui puissent gagner le trophée et aussi dans l'avenir. Je les encourage tout simplement. Si tu n'es pas élu aujourd'hui, tu le seras demain. L'important, c'est d'avoir le courage de continuer. Il ne faut pas abdiquer, il faut toujours continuer. Et j'imagine que la récompense se trouve dans l'effort. La 10e édition du Isanganiro Award avait été remportée par le rappeur burundais Boniface Kirukishaka alias B-Face via la chanson Kora. Je vous le disais aussi en titre, une personne a été tuée ce samedi sur la colline Nyabututsi rurale. C'est dans la commune et province de Gitega. Gérard Mbazumutima était enseignant au lycée Sainte-Thérèse de Mouchacha. 3 personnes, dont un veilleur, ont été arrêtées pour raison d'enquête. C'est la 2e personne tuée dans cette localité en l'espace de 2 semaines. La population demande que sa sécurité soit préservée. Le point avec Gérard Niwikira. La victime est connue sous le nom de Mbazumutima Gérard, âgé de 49 ans et professeur au lycée Sainte-Thérèse de Mouchacha, ex-NF, et qui habitait la colline Nyabututsi Rurale, commune et province Gitega. Sa veuve dit qu'il a été battu et légèrement blessé au niveau du visage et de la gorge par des gens non encore identifiés alors qu'il rentrait et approchait son domicile vers 21h de la nuit dernière. Elle précise cependant qu'il ne pouvait plus parler. Tout près du portail de la clôture de sa maison, il y avait une certaine quantité de sang. Il a été vite évacué vers l'hôpital SOS des environs, mais en vain car il est mort immédiatement. Sa veuve ajoute que ses bourreaux ont emporté avec eux le petit téléphone du défunt, laissant son téléphone Android. Elle souligne également qu'elle ignore la somme d'argent avec laquelle son époux était sorti, mais seuls 10 000 francs ont été trouvés dans son porte-monnaie. Elle déclare qu'elle ne soupçonne personne comme auteur de son meurtre, car son époux était sage et était en bon terme avec tout le monde, tel qu'elle confirme aussi ses voisins, ses amis et ses collègues de service. Elle ne réclame que justice avec des enquêtes approfondies pour le meurtre de son époux, avec aussi usage de toutes les stratégies, dont l'interrogatoire de tous ceux qui ont fait des contacts téléphoniques avec lui. Feu Mazumutima Gérard est le deuxième citoyen tué à la colline Nyabututsi rurale dans une période de moins de 2 semaines. La première victime a été tuée chez elle par explosion d'une grenade. De ce moment, le chef de colline Nyabututsi rurale, Tisa François alias Bikor, est sous les verrous pour des réseaux d'enquête. Ainsi, les habitants de cette colline réclament le renforcement de leur sécurité. S'il faut libérer provisoirement le chef de colline, s'il faut le remplacer, les personnes compétentes savent ce qui convient, insiste-t-il. Et à la police, l'on indique que les enquêtes sur le meurtre de Feu Mazumutima Gérard ont débuté avec arrestation de 3 personnes, dont le veilleur de nuit du défunt. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Une femme en attente d'accouchement devrait avoir un endroit lui permettant de déstresser. Ceci prévient des malformations et de l'enfant et de la mère en postpartum. Point de vue du directeur du centre professionnel de kinésithérapie ce vendredi. Deonda Ifimi appelle le ministère de la Santé publique à collaborer avec ce centre pour prévenir ce genre de malformations. Suivez. Depuis 2022, on a créé la maison mère-enfant pour mettre à part les mamans et aussi les enfants parce que je les considérais comme démunis dans une situation qu'après l'accouchement, les mamans en fait viennent nous consulter avec de ces complications et elles sont gênées quand elles voient les autres en chaise roulante, par exemple les cas d'AVC, les cas de mal de dos, les cas de fractures et d'autres complications graves. Et dans ce cas, dans la maison mère-enfant, c'est beaucoup plus les mamans en prénatal, pendant la grossesse et aussi après l'accouchement. Et aussi les enfants qui ont des malformations congénitales, beaucoup plus sur les pieds plats, les pieds beaux, les pieds des malformations en fait pendant la croissance, tantôt des hémiprégies de l'enfant. Il y a des enfants qui ont aussi des complications pendant l'accouchement et aussi qui développent des paralysies de l'hémicorps. Et aussi des enfants qui ont les difficultés du langage, les difficultés de la voix et aussi de la déglutition parce qu'il y a son développement, son processus de développement moteur qui est vraiment en retard. Et dans ce cas, nous faisons la kinésithérapie, l'appareillage orthopédique et aussi l'orthophonie, ce qui aide les enfants à récupérer rapidement et aussi les mamans à récupérer aussi rapidement pour retourner au travail. J'insiste beaucoup sur les journalistes parce que le journaliste a un rôle très important pour sensibiliser et faire connaître la médecine physique et réadaptation. Deuxièmement, c'est les médecins et aussi tout le personnel soignant. Une fois vu un cas nécessitant la rééducation, qu'il faut alarmer, aussi orienter, référer rapidement. Au sport, les équipes Urunani et Gymkhana s'affrontent à Bujumbura ce dimanche même en finale du tournoi d'ouverture du championnat baptisé Viva Basketball League édition 2023. Hier samedi en demi-finale, Urunani avait battu Dynamo 68-60 tandis que Gymkhana a éliminé les Hippos 95-68. Et l'équipe nationale de football, Inhamba Murugamba, a été battue en Indonésie 3-1 lors d'un match amical qui a eu lieu hier samedi dans ce même pays. Alain Muhirgwe, journaliste et sportif et qui suit de près l'équipe nationale de football, estime que la défaite des Inhamba est liée à l'absence de certains joueurs titulaires et à la confusion dans le choix des 11 de départ de la part de l'entraîneur. Et de suggérer qu'il y ait une bonne préparation de l'équipe nationale pour qu'elle participe à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Suivez. La défaite d'hier pourrait se résumer en deux facteurs. Le Burundi d'abord a rencontré une équipe bien organisée et disciplinée, surtout sur son système tactique. Une équipe indonésienne qui était déjà en cours de construction, car depuis le mois de novembre, c'est une équipe qui a déjà livré 5 matchs avec un résultat positif, avec une seule défaite contre le Singapour. Alors pour notre cas, hier, notre staff technique avait eu quelques problèmes de choix, surtout au niveau de la défense. Il n'y avait pas d'autre choix, moi je me dis pas, parce que sur la liste des joueurs qui étaient sélectionnés pour affronter l'Indonésie, il y a 3 joueurs qui étaient majeurs au niveau de la défense centrale, surtout Mukombo Zidéric, il y a Frédéric Sabillon, et aussi Nyangé Issouf qui étaient alignés au niveau de la défense, mais à la dernière minute, ils ont été déclarés forfaits dans cette rencontre. Alors, le staff technique n'avait pas d'autre choix, il devrait aligner une défense centrale composée par des latéraux qui n'avaient jamais joué en équipe nationale dans cet alignement tactique, mais aussi avec un joueur nouveau qui joue dans le championnat local qui s'appelle Mohindo Colin. Je pourrais dire qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un, par exemple, d'un haut niveau pour l'inspirer, pour peut-être lui dire ça se fait comme ça, se fait comme ça. Mais pour la première mi-temps, on a vu que c'est une défense qui joue avec plus d'erreurs. Il faut que l'équipe nationale ait une liste de base, au moins 8 joueurs, au moins 7 joueurs, où l'entraîneur va dire avec ces joueurs, je dois instaurer mon schéma tactique, mon identité tactique, ce qui n'est pas le cas pour le Burundi, parce que vous avez vu hier, le Burundi ne peut même pas enchaîner 5 ou 6 passes. C'était prévisible au niveau de la première mi-temps. Alors, pour résumer, il faut que le staff technique prenne conscience du travail qui lui est dévolu, parce que les 2 matchs contre le Cameroun et contre la Namibie seront des matchs très décisifs, mais aussi des joueurs qui seront appelés, qu'ils sachent qu'ils sont au service de la nation. Une brève internationale avant de clore ce journal. La Russie annonce le déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Selon nos confrères de RFI, Londres a provoqué une nouvelle escalade en décidant de livrer à Kiev des obus à uranium appauvri. Lors d'une interview diffusée par la télévision russe, le président Vladimir Poutine a annoncé le déploiement d'armes nucléaires tactiques sur le territoire de son allié biélorusse. Il dit que 10 avions sont prêts à utiliser ce type d'armes. À partir du 3 avril, nous commencerons à former les équipages et le 1er juillet, nous terminerons la construction d'un entrepôt spécial pour les armes nucléaires tactiques sur le territoire de la Biélorussie, a déclaré Vladimir Poutine. Le président russe a expliqué que, d'une part, Moscou ne violait pas ses engagements internationaux en matière de non-prolifération et d'autre part, que les États-Unis déployaient depuis des décennies leurs armées nucléaires tactiques sur le territoire de leurs alliés. Des propos qui font suite à la volonté britannique de livrer à l'Ukraine des obus à uranium appauvri. Et voilà, à 13h passées de 10 minutes à Bujumbura, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Albert Noyau pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir. Léonce Vitaliho.